troisième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, la France et l'apartheid. Après avoir écouté lundi l'historien et archéologue François-Xavier Fauvel sur l'histoire de l'Afrique australe ancienne, puis hier nous être promenés avec Victor Massel-Lépiné et ses invités dans le Voortrekker Monument de Pretoria, ce monument de la Fabrique historique nationale africanaire, et avant-demain dans le documentaire de Victor Massel-Lépiné et Dan Fleury de découvrir ce que fut le procès de Rivonia qui condamna en 1964 Nelson Mandela et sept de ses camarades de l'ANC à perpétuité, nous allons ce matin nous interroger sur la position de la France vis-à-vis du pays de l'apartheid. En deuxième partie de cette émission, nous recevrons Georges Laurie, spécialiste de l'Afrique du Sud et qui fut conseiller culturel de l'ambassade de France à Pretoria de 1990 à 1994. Mais auparavant, écoutons l'entretien qu'a accordé Anna Konieschnia à Victor Massel-Lépiné et à l'équipe de France Culture. Elle est historienne, elle a fait sa thèse sur la relation spéciale France-Afrique du Sud sous De Gaulle et sous Pompidou, sous la direction de Maurice Weiss, et elle est pour l'instant chercheuse à Monash South Africa University. En juin 1990, trois mois après sa libération, Nelson Mandela était reçu à l'Élysée par François Mitterrand. Et la France devenait ainsi le premier pays occidental à recevoir, avec tous les honneurs dus à un chef d'État, ce qu'il n'était pas encore, le héros sud-africain de la lutte contre l'apartheid. Cet accueil, qui a certainement représenté un tour de force et un succès de la diplomatie française, s'inscrivait pourtant dans une histoire complexe des relations entre la France et l'Afrique du Sud, et une histoire loin d'être univoque. Pour le dire rapidement, la République française n'a pas été, entre 1948 et 1991, la championne de la lutte anti-apartheid, contrairement à ce que cette rencontre entre Mitterrand et Mandela pourrait laisser croire. Anna Konieschnia, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur postdoctoral à l'université Monash, dans la région de Pretoria. Et vous avez soutenu en 2013, c'était au Centre d'histoire de Sciences Po, sous la direction de Maurice Weiss, une thèse sur les relations franco-sud-africaines, qualifiée dans le titre de votre thèse d'une relation spéciale, entre 1958 et 1974. Donc on va parler avec vous de ces années-là, qui correspondent en France aux présidences du général de Gaulle et de Georges Pompidou, et qui constituent peut-être pour l'Afrique du Sud de l'apartheid l'apogée du régime de l'apartheid. Quand je dis apogée, je veux dire bien sûr les années les plus sévères et les plus dures du régime. Je voudrais commencer en vous demandant de nous expliquer un peu le contexte international au tournant des années 60. Qu'est-ce que représente l'Afrique du Sud pour la France? Pourquoi est-ce que la France s'intéresse à ce pays qui est bien loin du précaré des anciennes colonies de Jacques Foccart? Il faut savoir que la France et les intérêts français sont déjà présents en Afrique du Sud dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Nous pouvons citer l'exemple de la Compagnie française de pétrole qui, dans les années 1950, devient en quelque sorte le monopoliste sur le marché sud-africain, mais également l'une des compagnies importantes dans la région. Mais la relation en tant que telle se noue et s'intensifie paradoxalement au tournant des années 1960 et surtout dans les années qui suivent les événements de Sharpeville, le massacre de Sharpeville, c'est-à-dire la répression policière dans l'un des townships de Johannesburg. Qui a fait plus 69 morts, je crois, et oui. plusieurs centaines de blessés. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, c'est un moment catalyseur où l'opinion internationale prend conscience du problème de l'apartheid et commence à condamner l'Afrique du Sud, ce dont témoignent différentes résolutions du Conseil de sécurité, mais aussi différentes résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU. Et pourtant, pourquoi à ce moment-là, ces relations deviennent, pourquoi l'Afrique du Sud devient un partenaire potentiel pour la France? Tout cela s'explique certainement par le contexte de la guerre froide. Comme vous le savez certainement, la France constitue un cas très spécifique dans la confrontation bipolaire parce que c'est un pays qui rejette en fait la confrontation bipolaire depuis la crise de Suez. Et tout au long de la période de la guerre froide, les gouvernements successifs français ont pour l'ambition de faire de la France une troisième puissance mondiale. Et cette ambition, aux yeux des dirigeants français, notamment des présidents de Gaulle et Pompidou, passe par plusieurs éléments. Donc, d'une part, il s'agit d'assurer l'indépendance stratégique. Cela signifie le développement de la force de frappe. Il s'agit de développer un secteur industriel compétitif qui puisse concurrencer la technologie américaine et soviétique. Donc, il s'agit ici de gagner en quelque sorte les marchés du tiers-monde. Mais aussi, cette ambition passe par la création de toute une série des alliances. Malgré la décolonisation, la France, elle garde sa présence en Afrique dans les anciennes colonies françaises. Et donc l'Afrique du Sud, elle répond à toutes ces ambitions parce que, d'une part, c'est un pays le principal producteur des matières premières et surtout de l'uranium dans le monde, dans ce qu'on appelle le monde libre. C'est un pays qui, au tournant des années 1960, commence à développer son dispositif militaire, ce qui crée des perspectives pour l'industrie militaire française. C'est un pays qui lance toute une série de projets industriels, donc cela ouvre des perspectives pour la promotion des techniques et de la technologie française. Et finalement, c'est aussi un partenaire potentiel aux yeux des dirigeants français pour préserver ce que ces dirigeants appellent le courant modéré des pays modérés en Afrique. L'Afrique du Sud, à partir du milieu des années 1960, apporte aussi une aide financière aux différents projets de développement dans la région, mais aussi dans les pays francophones. Et finalement, le facteur identitaire est sans doute important. Les gouvernements qui sont en place en France dans les années 1960 jusqu'au milieu des années 1970, ce sont les gouvernements qui représentent la droite souvent conservatrice et anticommuniste. Je vous ai dit il y a un instant que nous étions en train d'appeler Johannesburg. La distance est évidemment considérable, les difficultés le sont aussi. Je crois que nous approchons du terme de nos efforts. Allô ? Allô, allô ? Est-ce que Johannesburg est en ligne ? Allô, Johannesburg ? Allô, allô ? Allô ? Paris vous parle, 31 allô mars 1960. L'Afrique du Sud vit actuellement des journées de fièvre et de panique. Depuis bientôt deux semaines, sous l'impulsion d'un groupement politique africain de tendance extrémiste, le Congrès pan-africain, des manifestations se succèdent. Elles se limitent généralement à des localités africaines, situées aux environs des grandes villes, où résident les travailleurs noirs de Johannesburg, du Cap et des autres grandes villes d'Afrique du Sud. Et depuis quelques jours, la direction des opérations a passé des mains des leaders politiques noirs à celles des éléments les plus troubles de la population. Mais me direz-vous, toutes ces manifestations ne risquent-elles pas de dégénérer en révolution véritable? Je ne le crois pas. Et mon raisonnement repose sur les faits suivants. L'Afrique du Sud possède une population blanche de plus de 3 millions d'habitants. Ces blancs possèdent tous une éducation militaire acquise très jeune, puisque les cadets, dans les collèges et autres écoles, apprennent le maniement du fusil dès l'âge de 12 ans. L'Afrique du Sud possède une armée moderne, facilement mobilisable et très entraînée. En face, il y a 5 à 6 millions de Noirs. Le reste des indigènes habitent dans des réserves à des centaines de kilomètres de blancs. Les blancs n'ont pratiquement pas de contact avec eux. De plus, ces 5 ou 6 millions de Noirs n'ont pas d'armes, ni aucun entraînement militaire. Alors en cas de révolte, ce ne serait pas une révolution, mais un massacre. Tous les Noirs le savent. Ils ne se risqueront pas à la guerre civile. Aussi, je ne crois pas que les manifestations actuelles marquent le début d'un soulèvement armé. Ils peuvent cependant déterminer un changement de politique en Afrique du Sud. C'est possible. Surtout sous la pression de l'opinion mondiale. C'est quand même compliqué pour la France d'entretenir des relations avec ce pays qui est presque partout et par tous condamnée. Vous avez évoqué aussi les résolutions de l'ONU. La France se débrouille toujours pour passer un peu à côté des résolutions, que ce soit celle sur l'embargo sur la vente des armes, qui est facultatif. La France s'empresse de le contourner. On peut aussi parler de la résolution sur le procès de Rivonia, pour lequel presque tous les pays disent dans une résolution qu'il est inéquitable. La France est un des pays qui ne signe pas cette résolution. Comment est-ce que la France peut concilier ses intérêts en Afrique du Sud et son image et ses relations avec d'autres pays du monde ? C'est effectivement un problème qui se pose assez rapidement et qui va provoquer tout au long de la période des divisions, non seulement entre différentes institutions qui sont en charge de la politique africaine de la France, ou encore en charge de la politique étrangère de la France, mais il y a même des divisions au sein du Quai d'Orsay entre différents départements, par exemple le département Afrique-Levant, ce qu'on appelle à l'époque le département Afrique-Levant, et le département des Nations Unies, Organisation internationale. Les diplomates qui sont basés à New York, à l'ONU, sont très souvent confrontés à des critiques parfois virulentes des diplomates africains qui accusent justement la France des doubles standards. On voit parfaitement cette difficulté justement en 1963 quand le Conseil de sécurité se prononce pour la première fois sur l'embargo contre l'Afrique du Sud. Et à cette époque-là, il y a deux opinions qui s'affrontent au Quai d'Orsay. D'une part, la direction des affaires économiques, la direction Afrique-Levant, qui considère que il faut de toute façon protéger les intérêts français sur place. Et d'autre part, il y a la direction des Nations Unies, Organisation internationale, qui estime qu'il faut soutenir les sanctions pour des raisons humanitaires. La solution, elle se trouve un peu au milieu quand on regarde les archives diplomatiques français. Très rapidement, la diplomatie française, puis le gouvernement français arrive à la conclusion que, de toute façon, on ne pourra pas faire tomber l'apartheid du jour au lendemain. Et c'est en changeant les mentalités qu'on peut changer la situation. Bien sûr, il y a les intérêts derrière qui expliquent aussi cette approche particulière et ce refus des sanctions. Alors, vous êtes intéressé en particulier dans ces relations entre la France et l'Afrique du Sud, aux relations des parlementaires français avec l'Afrique du Sud, c'est-à-dire de gens qui dépendent du pouvoir législatif et non plus, comme les diplomates qui sont divisés sur la question, du pouvoir exécutif. Ces parlementaires français, certains d'entre eux vont s'organiser et vont créer des groupes d'amitié, des groupes d'amitié d'Afrique du Sud. Le premier naît à l'Assemblée nationale à peine 3 mois après le massacre de Sharpeville dont vous avez parlé, en juin 1960. Qu'est-ce que c'est un groupe d'amitié France-Afrique du Sud à l'Assemblée nationale puis au Sénat? Qui sont les membres français de ces groupes d'amitié? C'est une question très importante. D'abord, il faut savoir que le Parlement, contrairement à ce qu'on pense, participe à la politique étrangère. Il y a différentes commissions qui exercent leurs droits d'information, qui aussi participent dans le vote du budget des affaires étrangères, y compris du budget de l'Élysée. D'autre part, il y a toujours à l'Assemblée nationale, et même aujourd'hui, des groupes d'amitié qui tout simplement essayent de nouer, de maintenir des contacts avec des pays spécifiques. Ces groupes sont souvent une sorte de lobby au sein de l'Assemblée nationale en faveur d'un pays particulier. Ce qui est particulier dans le cas de l'Afrique du Sud, c'est que ces parlementaires, en quelque sorte, remplacent par moment des relations officielles entre les gouvernements. Vous avez posé tout à l'heure la question sur le problème que posait l'apartheid au gouvernement français et à la diplomatie française. Jusqu'en 1974, aucun membre du gouvernement français actif ne voyage en Afrique du Sud. Ce sont les parlementaires qui vont faire des missions, qui vont faire des voyages. Et il y a deux types de voyages. D'une part, les voyages qui sont réalisés à l'invitation du gouvernement sud-africain. Et d'autre part, il y a les voyages qui sont réalisés par des commissions parlementaires financé cette fois-ci par les fonds de l'Assemblée nationale ou du Sénat, parce qu'il y a aussi des voyages des sénateurs. De toute façon, l'ambassade de France en Afrique du Sud participe à l'organisation de ces voyages, et ces voyages se réalisent toujours le plus souvent de la même manière. Ces parlementaires arrivent le plus souvent à Johannesburg, visitent d'abord des complexes industriels, et ensuite, pendant la deuxième partie du voyage, ils ont le temps de visiter le pays. Mais on leur montre le plus souvent les endroits les plus magnifiques du pays. L'Afrique du Sud est le pays le plus beau du monde, et on leur montre justement cette beauté du pays. Les voyages se terminent souvent par un safari au parc de Kruger, et aussi ils ont beaucoup de contacts avec des autorités locales, avec des industriels, mais ils ont très peu de contacts avec les membres de l'opposition anti-apartheid, avec les membres de la communauté noire, indienne et d'autres communautés. Mais vous avez quand même noté dans certains de ces voyages des visites de township, par exemple, qui ont lieu quelquefois, qui doivent être très encadrées, mais ils trouvent des façons de justifier l'apartheid. Je crois que l'une de ces façons, par exemple, c'est de dire, bien sûr, ils sont opprimés, mais malgré tout, leurs conditions de vie sont finalement meilleures que celles des populations noires des autres pays du continent, qui vivent dans des conditions parfois très difficiles. Oui, tout à fait. En fait, l'Afrique du Sud apparaît comme un pays très riche, très développé. Et donc, même s'il y a un problème du déficit démocratique, l'image finale de l'Afrique du Sud est une image positive. Et encore une fois, ces parlementaires, ils arrivent à la conclusion que pour mettre fin à l'apartheid, il faut surtout dialoguer avec le pays, développer les relations économiques, car l'économie permettra progressivement d'enlever toutes sortes de barrières raciales et mettre fin à long terme à l'apartheid. Dans les années 1960, l'apartheid, la fin de l'apartheid paraît un projet de long terme. Hope man, something new in Africa. On a évoqué brièvement, Anna Konieczna, les difficultés que pose sur la scène internationale pour la France ses relations avec l'Afrique du Sud. Ce contexte international, il a une traduction sur le territoire français, et les parlementaires français qui se rendent en Afrique du Sud, le gouvernement, doit aussi rendre compte ou se confronter à toute une série d'oppositions qui fleurissent sur la scène nationale, qui sont les mouvements anti-apartheid. On parle souvent de la date de 1975, quand le mouvement anti-apartheid, MAA, avec des majuscules, est né, que c'est là que la lutte anti-apartheid a commencé. En fait, dès le tout début des années 60, il y avait certains mouvements, avec des petits M, ceux-là, qui étaient constitués de différentes personnalités, avec évidemment l'engagement d'intellectuels. On peut penser à Paul Ricoeur, à Aimé Césaire, à Pierre Vidal-Naquet, à Théodore Monod. Comment est-ce que cette opposition à l'apartheid sur le sol français va naître, se constituer et puis influer peut-être sur les relations officielles entre la France et l'Afrique du Sud? Dans les années 1960, il y a toute une série des activités de solidarité et de soutien avec l'opposition anti-apartheid, et ces activités, ces campagnes de solidarité sont organisées par une nébuleuse des organisations qui restent proches de la gauche tiers-mondiste, de la gauche laïque, mais aussi de la gauche chrétienne. Quelles sont ces organisations? Ce sont d'abord des partis politiques comme le Parti communiste français, le Parti socialiste unifié. Il y a les organisations des droits de l'homme comme la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, la LICA. Il y a aussi différentes organisations protestantes, surtout le mouvement du christianisme social est très impliqué dans les années 1960 dans la solidarité anti-apartheid. Et tous ces mouvements sont coordonnés par le comité de liaison anti-apartheid qui voit le jour en février 1964. Ce mouvement, comme par ailleurs tous les mouvements dans le monde, est beaucoup influencé par l'activité des exilés, des activistes sud-africains. Au début des années 1960, ces militants anti-apartheid, membres du Congrès national africain, partent à l'étranger et c'est là où ils vont créer des missions diplomatiques, notamment à Londres. Le Congrès national africain crée la division internationale à Londres, et depuis Londres ou encore depuis Alger, ces activistes vont essayer de nouer des contacts dans les pays européens, notamment en France. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui se passe ailleurs dans le monde peut influer sur les façons de s'emparer de telle ou telle cause. Par exemple, la fin de la guerre d'Algérie en France, 62, laisse en quelque sorte un vide, on peut dire, enfin une nouvelle cause dans laquelle on peut s'investir. Par exemple, Raymond Kounené, qui est l'un des ambassadeurs de l'ANC en Europe, il est à Londres, voit dans cette fin de la guerre d'Algérie une occasion d'aller mobiliser tout un tas de mouvements, cette nébuleuse que vous évoquiez, qui maintenant est disponible pour une autre cause, en fait. Vous avez parfaitement raison. En fait, la fin de la guerre d'Algérie, c'est un moment très propice pour les solidarités anti-apartheid. Et l'apartheid devient une cause parfaite, parce qu'il y a d'une part le droit à la désobéissance civile qui est en jeu. Au début des années 1960, l'opposition anti-apartheid, le Congrès national africain, arrive à la conclusion que le régime d'apartheid n'est pas du tout prêt à dialoguer, en fait. On voit la montée de la répression dans le pays, et donc le droit à la désobéissance civile devient un facteur qui peut unir les deux groupes d'activistes. Mais aussi, dans ce mouvement, il y a la dimension économique. L'apartheid crée des inégalités très importante entre différentes communautés, et finalement pour les chrétiens sociaux qui étaient également très engagés contre la guerre d'Algérie, il y a ici une question de responsabilité personnelle, puisque l'apartheid repose sur l'interprétation très controversée de la Bible. Les protestants se sentent en fait personnellement responsables de cette question-là. Mais ce sont des influences qui voyagent dans les deux sens. Au début des années 1960, on voit la naissance de la nouvelle gauche sous l'influence des écrits de Frantz Fanon et de l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. Cette philosophie va beaucoup influencer l'opposition sud-africaine et elle va contribuer à la renaissance de l'opposition anti-apartheid dans le pays, en Afrique du Sud. Cette opposition a été supprimée par les événements de Sharpeville. Donc la France, elle joue un rôle extrêmement complexe ici. Alors peut-être qu'il faut évoquer une figure dans cette lutte anti-apartheid. Vous évoquiez le protestantisme, la guerre d'Algérie. Quelqu'un qui fait le lien entre tout ça, c'est peut-être Jean-Jacques de Félice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment il a incarné une part de cette lutte anti-apartheid ? Tout d'abord, pour expliquer, Jean-Jacques de Félice devient à partir de février 1964 le président du comité de liaison contre l'apartheid. Et en fait, c'est un avocat engagé qui, pendant la guerre d'Algérie, défendait les objecteurs de conscience. Mais c'est aussi quelqu'un qui reste très actif dans les milieux protestants. Donc, en quelque sorte, il constitue un lien entre différentes organisations qui s'engagent dans la lutte contre l'apartheid, des organisations qui ont parfois des ambitions contradictoires. Donc, Jean-Jacques de Félice, c'est quelqu'un qui constitue le compromis entre différentes tendances qui se manifestent à l'époque. C'est quelqu'un qui va rester très actif tout au long des années 1960. Il cherche aussi à faire en sorte que la question de l'apartheid s'impose au sein de l'opinion publique française. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, la personne de Nelson Mandela, la question de l'apartheid paraissent évidentes pour les Français, mais dans les années 1960, surtout dans le contexte de la décolonisation française, l'Afrique du Sud a été encore une cause très lointaine. Jean-Jacques de Félis a laissé des archives, ces archives qui sont déposées aujourd'hui à la Bibliothèque de la Documentation Internationale Contemporaine. Et grâce à ces archives, on peut petit à petit reconstituer l'activité de ce comité qui a très longtemps été ignoré en fait. Alors pour sensibiliser l'opinion, il y a des lettres ouvertes de Jean-Jacques de Félis, par exemple, dans Le Monde. Il y a des distributions de tracts à l'occasion de manifestations sportives, quand les Springboks viennent à Paris, ou quand en 64, juste après la condamnation de Nelson Mandela et de ses co-détenus, la France et l'Afrique du Sud se rencontrent pendant la Coupe Davis de tennis, il y a des tracts. Il y a aussi Myriam Makeba qui est accueillie à l'Olympia et qui vient sensibiliser la population française. Est-ce que ça marche ces actions ? Est-ce qu'au milieu des années 70, puisque c'est la fin de la période que vous étudiez, Anna Konietzna, est-ce que l'opinion publique a évolué ? En France, probablement, le premier symptôme de cette sensibilisation, c'est le débat entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing en 1974, quand la question de l'apartheid est évoquée pour la première fois dans le débat politique public. Dans les déclarations officielles, cette position va évoluer. Elle change vers la fin des années 1970 et puis avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, même si probablement c'est une question qui pourrait être encore documentée. Il y a des relations non officielles derrière. Mais cette évolution, elle se réalise effectivement sous l'influence de plusieurs facteurs, notamment sous l'influence de la mobilisation anti-apartheid en France, d'autant plus que les organisations anti-apartheid ont tendance parfois à envoyer des lettres à l'Organisation des Nations Unies pour dénoncer l'attitude du gouvernement français. Et d'autre part, cette évolution, elle se réalise également sous l'influence de la pression des pays africains, y compris des pays francophones. Il faut en effet savoir que le mouvement anti-apartheid global, c'est une coalition entre les organisations civiques, entre les organisations non gouvernementales et les gouvernements du tiers-monde, des gouvernements des pays africains, des pays d'Asie, qui eux aussi soutiennent la cause anti-apartheid. Merci Anna Konietzna. Le travail que vous avez mené pour votre post-doctorat sur le mouvement anti-apartheid français va sans doute faire l'objet d'un livre qui sortira peut-être au printemps 2019. Nous l'espérons, nous l'attendons. Et c'est au son de ces oiseaux de Johannesburg, dont j'ignore le nom, que nous nous quittons. Merci Anna Konietzna. Merci beaucoup. Kuihal ndlela kutwangu tonga twane Ikuihal ndlela hayangu tonga twane Ikuihal ndlela kutwangu tonga twane Hayi sele kavele kutapo hayangu tonga twane Voilà donc pour cette première partie de cette émission consacrée aux relations de la France avec le pays de l'apartheid et remercions donc Anna Konietzna que vous avez interrogé donc à Johannesburg dans une prise de son d'Hélène Langlois, une réalisation d'Anne Fleury qui se terminait par un chant de Myriam Makeba. Mixé, bonjour Georges Laurie. Bonjour. Avec les sons d'oiseaux dont Victor Massé de Lépinay avouait qu'il ne les connaissait pas. C'était quoi ces oiseaux ? Ce sont des ibis adéda qui viennent sur les pelouses de Johannesburg et de Pretoria et qui ont un cri particulièrement affreux. Alors, donc vous connaissez très bien l'Afrique du Sud depuis maintenant une quarantaine d'années et d'une certaine façon vous allez pouvoir nous dire la suite de cette histoire puisque on était surtout dans les années 60 avec Anna Konietzna et son travail de thèse qui avait été dirigé par Maurice Weiss qui s'intéressait aux relations de la France à l'Afrique du Sud sous De Gaulle et sous Pompidou et vous y arrivez justement en 74, Georges Laurie. C'est exact, j'ai bénéficié d'une bourse d'échange. Il y avait 5 étudiants de chaque pays qui pouvaient aller dans l'autre. Je me suis aperçu une fois arrivé en Afrique du Sud que j'avais été le seul candidat côté français et qu'ils étaient 15 côté sud-africain pour les 5 bourses dans ce sens-là. Très vite, ce programme s'est arrêté après les événements de Soweto en 76, qui constituera d'ailleurs une époque charnière dans nos relations. Ces bourses ont été supprimées. Victor Massé-Lépine. Alors, juste avant Soweto, pour faire suite à l'entretien avec Anna Konieczna, pour vous, qui étiez un jeune homme en 74, qu'est-ce que ça représentait l'Afrique du Sud, ou est-ce que vous saviez où vous alliez mettre les pieds? Est-ce que vous aviez une conscience politique de ce qui se passait là-bas? Parfaitement, j'étais sur mes gardes, je craignais, j'avais lu énormément sur la répression, sur cette forme de dictature vis-à-vis de la majorité noire du pays, même si sur le plan constitutionnel c'était une parfaite démocratie. J'y allais parce que je m'intéressais à l'Afrikaans comme langue et aux Afrikaners qui avaient été défaits et méprisés. On a parlé des camps de concentration. Ils sont passés vraiment des camps de concentration de la fin du 19e siècle et du début du 20e au moment de la guerre des Boers. C'est ça, des camps de concentration anglais vis-à-vis des populations civiles africaineurs et rajoutons-le aussi vis-à-vis des populations noires, notamment des serviteurs noirs dans les fermes Boers. Et donc je me disais comment 70 ans après, des gens qui ont beaucoup souffert se sont transformés en bourreau à leur tour. Vous étiez bien un Français parce que d'une certaine façon, on peut dire que cette mémoire de la guerre des Boers était une mémoire proprement française. Il y avait eu un engagement français derrière justement ces Afrikaners méprisés par les Britanniques et mis en camp justement. Et d'une certaine façon, vous étiez un peu l'héritier lointain de cet imaginaire, qui s'interrogeait sur cette identité Afrikaner, en l'occurrence Georges Lory. Exactement. Même si finalement l'appui que la France a donné au bourg a été un accueil chaleureux au président Kruger, mais pas un copec de la part de l'État, et quelques personnes se sont engagées titre personnel, comme Villebois-Mareuil, un colonel de l'Action française qui a été sur ses propres deniers se battre aux côtés des bourgs. Il a été général de la Légion étrangère bourg. Et quelques personnes comme l'ancêtre de Kersauzon aussi a été se battre à cette époque-là. Et vous pensez qu'il y avait encore quelque chose, puisque 70 ans c'est peu de temps d'une certaine façon, quelque chose de cela dans l'opinion française quand elle réfléchissait à ce pays qu'elle connaissait relativement peu, ce souvenir lointain de la guerre des bourgs avait encore quelque chose à dire aux Français des années 60 et 70? À mon avis, non, mais il y a l'intérêt pour des joueurs de rugby qui portent des patronymes français, ça, clairement. Victor Massé-Lépinay. Alors, vous nous dites que vous vous intéressiez à la culture afrikaner et à l'afrikaans. Je crois que quand vous êtes parti en Afrique du Sud, vous parliez néerlandais. Oui. Et que l'afrikaans, c'est un créole. Un créole néerlandais. C'est peut-être le moment de dire que tous les afrikaners n'étaient pas des militants de l'apartheid ou des bourreaux, puisque vous avez employé ce terme. Vous avez commencé par traduire certains écrivains afrikaners, et en particulier Bretton Brettenbach, qui est poète, peintre, écrivain aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui en quelques mots, nous dire comment vous l'avez rencontré, pourquoi vous avez commencé à le traduire, et peut-être un peu quelques mots de son destin, puisqu'il a eu un destin particulier vis-à-vis du régime sud-africain. Eh bien, figurez-vous que j'ai été très vexé d'apprendre que le plus grand poète de langue afrikaans vivait à Paris quand j'étais là-bas. Donc, sitôt rentré, j'ai rencontré Brettenbach, nous avons sympathisé, et j'ai appris en ouvrant Le Monde, quelques mois après, qu'il était emprisonné en Afrique du Sud. Et c'est comme ça que j'ai commencé à militer, c'est-à-dire en allant voir les gens du comité Brettenbach, qui étaient tous des amis peintres de Brettenbach, qui a ces deux talents à la fois de poète et de peintre, et qui m'ont dit « mais il paraît qu'il écrit de belles choses, on aimerait en savoir plus », et c'est comme ça que j'ai commencé à le traduire. Il était venu à Paris, il avait épousé donc une Française d'origine vietnamienne, et à ce titre, il était en contradiction avec la loi sud-africaine, la loi contre les mariages interraciaux. Pire, on a même fait un amendement à cette loi, étendant cette interdiction au mariage contracté à l'étranger, ce qui était spécifiquement le cas de Brettenbach, ça le visait personnellement. Et c'est en retournant clandestinement en Afrique du Sud qu'il s'est fait emprisonner en 75. Mmh. Alors, vous évoquiez tout à l'heure ce moment très important de 1976 et des émeutes de Soweto, qui, dites-vous, a eu un rôle, ces émeutes, et la répression qui a suivi. ont eu un rôle dans la prise de conscience d'une opinion française qui peut-être n'avait pas encore totalement vu ce qui était en train de se passer en Afrique du Sud. Très sincèrement, on avait le sentiment que l'Afrique du Sud n'intéressait pas la France jusqu'à ces événements dramatiques, en effet. Il y a des conséquences politiques directes, c'est que le président Giscard d'Estaing arrête les livraisons d'armes. C'est quand même, même si sous le boisseau il y avait quelques échanges, malgré tout ça a été un pas important. Et puis il y a eu quand même dans l'opinion publique, chez les jeunes, un sentiment de révolte, d'injustice. Il y a eu les livres d'André Brink qui ont eu connu un grand succès en France, probablement plus en France que dans d'autres pays, c'est très curieux. Mais Brink parlait un excellent français, il présentait très bien la télévision, et je crois que ça a beaucoup marqué, notamment son Prix Médicis étranger, une saison blanche et sèche, qui reste probablement son chef-d'œuvre. Et donc, à partir de ce moment-là, vous sentez l'opinion française bouger et faire pression sur les gouvernements français pour que l'attitude de la France puisse évoluer, ou pas du tout, Georges Lory? Légèrement. On sent un frémissement, on sent qu'il y a une insatisfaction, une colère qui gronde, mais on peut pas dire qu'il s'est passé grand-chose jusqu'en 1981 de façon très nette. Alors, arrive Mitterrand, qui autorise un bureau de l'ANC à Paris, qui sera tenu par plusieurs personnes, dont la pauvre Dulcy September, qui sera assassinée en 88. Il y a le gouvernement Fabius, en 85, qui prend des mesures bien au-delà des sanctions européennes, ou légèrement au-delà des sanctions européennes. La France et le Danemark ont pris des positions encore plus dures pour limiter l'importation de charbon sud-africain. Donc à partir de là, on a le sentiment quand même que l'opinion publique française a très nettement évolué. Victor Massel Lépiné. Et vous-même, Georges Lory, dans ces années-là, vous êtes également interdit de séjour en Afrique du Sud pour des histoires de traduction de certains écrivains. Vous allez pouvoir nous dire pourquoi. Et vous avez donc été un militant de ces mouvements anti-apartheid, cette nébuleuse qu'évoquait Anna Konieczna. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous aider à nous repérer dans cette nébuleuse, parce que vous étiez surtout engagé donc dans le mouvement Breitenbach pour la libération de cet écrivain et peintre. Vous n'étiez pas toujours d'accord avec les autres mouvements anti-apartheid. J'avais le sentiment très clairement et au cours de discussions qu'il fallait, dans le mouvement anti-apartheid, être pour l'ANC et contre l'ensemble des Blancs. Or, la situation me paraissait beaucoup plus nuancée que ça. Il y avait certes un gouvernement pro-apartheid qui avait commis ces crimes contre l'humanité, c'est ainsi que l'ONU l'a défini, et pour autant, il y avait des Blancs anti-apartheid qui le payaient par la prison, comme Breitenbach, qui a quand même fait 7 ans et demi de prison, et bien d'autres, les militants du Parti communiste notamment. Donc, ça me paraissait réducteur de dire il y a les mauvais Blancs et les bons Noirs. Chez les populations noires aussi, les discussions étaient virulentes, et même si tout le monde souffrait de l'apartheid, certains ont quand même joué le jeu de la collaboration, d'autres avaient des positions plus nuancées que celles de l'ANC. Donc tout ça méritait, à mon avis, un peu plus de finesse en analyse. Est-ce que, justement, les débats internes à ce mouvement anti-apartheid, qui étaient donc variés, on le comprend en vous écoutant, Georges Lory, ont été jusqu'à le diviser de façon très, très nette, vis-à-vis justement d'un front qu'il aurait fallu peut-être avoir pour pouvoir être encore plus solide vis-à-vis du régime sud-africain? Oh, quand même, globalement, tout le monde était d'accord pour trouver ce régime abominable. Donc, de ce côté-là, on se retrouvait quand même dans les conférences. Simplement, certains avaient des façons plus agressives d'intervenir. Je pense à ce président du Botswana qui était venu et qui avait été pris à partie par quelqu'un qui avait lancé « Monsieur représentant du Botswana », Bota étant le président sud-africain de l'époque. Donc, il y avait des façons plus ou moins actives. En ce qui concerne Breitenbach, on n'était en fait pas très, très nombreux, mais très actifs auprès de la presse. Aujourd'hui, quand on évoque cette lutte anti-apartheid, on évoque essentiellement une lutte pour la libération de Nelson Mandela et de ses compagnons, dont on parlera dans l'émission de demain, puisque l'émission de demain est consacrée au procès de Rivonia, qui les ont vus condamnés à perpétuité. D'une certaine façon, ce combat était central, mais il n'était pas le seul, en l'occurrence, puisque vous évoquez aussi le combat pour la libération de Breitenbach, par exemple, Georges Lory. Oui, très clairement, quand même, la figure de proue, c'était Mandela. Et effectivement, on n'avait pas le droit d'en parler dans la presse sud-africaine, on n'avait pas le droit de montrer ses photos. Ça pesait quand même beaucoup. On ne savait absolument pas dans quel état il était, quel état physique il était, quel état moral. Enfin, c'était une période assez difficile de ce point-là. Mais très vite, c'est lui qui a cristallisé le mouvement. Victor Massé-Lépine. Et vous avez évoqué brièvement Dulcy September, qui a été donc, vous l'avez dit, assassinée. C'était en mars 1988, dans le 10e arrondissement de Paris, dans les locaux de l'ANC. Vous l'avez rencontré plusieurs fois Dulcy September, vous l'avez fréquenté, et son assassinat il y a 30 ans aujourd'hui présente encore un certain nombre de zones d'ombre, en particulier sur l'implication ou non de certains services français. Oui, ça, c'est extrêmement dommage et je regrette vivement qu'on n'ait pas progressé. Ça s'est passé quand même sur notre territoire. Le ministre de l'Intérieur s'appelait Charles Pasqua et on est quand même stupéfait de voir qu'on n'a pas avancé. Pendant les auditions de la commission Vérité et Réconciliation, il y a un espion sud-africain qui dit qu'il a piloté l'affaire. Il semble quand même qu'il y ait eu parmi les tueurs des Français. Ah oui ? C'est plus qu'une rumeur, vous voulez dire ? Oui, il semble en effet qu'il y avait quelqu'un de l'équipe de Bob Denard. Ouais. Donc on voit bien que les positions des gouvernements français étaient ambiguës vis-à-vis de cet apartheid. Anna Konieczna nous a bien expliqué combien il y avait d'un côté des décisions économiques, une conquête des marchés à obtenir de la part des grandes entreprises françaises, et de l'autre côté une protestation morale qui parfois ne se rejoignait pas. Vous avez la preuve justement de cette contradiction interne, pourrait-on dire, dans un pays comme le nôtre vis-à-vis de ce régime de l'apartheid, Georges Laurie. Oui, ça se bornait souvent entre des débats en disant mais les entreprises soutiennent l'apartheid et l'opinion publique est contre. Figurez-vous que j'ai eu une mission de la part du Quai d'Orsay pour voir comment les entreprises françaises appliquaient les sanctions prises par l'Union européenne. Et c'était là aussi ambivalent. Il y en a qui ont vraiment joué le jeu, il y en a qui sont partis, comme Renault et Peugeot, d'autres qui, sur place, essayer de contrer la ségrégation au quotidien, d'autres qui ont refusé de me recevoir. Victor Massé-Lépine. On évoquait en début d'émission la libération de Mandela et l'accueil fait par François Mitterrand, réservé par François Mitterrand à Mandela. Vous-même, en cette année, c'est en 90 seulement, oui, que vous avez pu retourner en Afrique du Sud. Vous êtes devenu conseiller culturel à l'ambassade de France. Un mot sur ces années de transition entre le régime d'apartheid et le gouvernement Mandela, ces années 90-94 pendant lesquelles vous étiez à Johannesburg. Comment est-ce que la France était, de ce que vous avez pu en voir, impliquée dans cette tractation qui devait être un moment d'émulation et d'ébullition politique fantastique? Oui, la France a été très active. Et alors, je pense qu'il y a eu une espèce de rattrapage par rapport à ces années 60 qui sont plus que douteuses à partir des années 80, les années Mitterrand. Et donc, au contraire, la France... Et son ambassade a essayé d'être le plus proche des acteurs. Je me souviens que nous avions la consigne à l'ambassade, chacun dans notre domaine, de faire se rencontrer des exilés qui rentraient au pays avec des gens de l'administration, puisque nous avions accès aux deux. Et ça jouait, disons, entre 90 et 92. Après, les négociations officielles ont commencé, les gens se sont rencontrés. Mais on a joué ce rôle de contact. Oui, parce que une des questions, évidemment, dans un pays qui change profondément de régime politique, comme c'était le cas dans ces années-là, justement pour l'Afrique du Sud, c'est de garder ou ne pas garder les cadres de l'ancien État, en former de nouveau pour pouvoir faire que le pays continue à fonctionner, en l'occurrence. J'imagine que c'était ça un peu la vision de la France à ce moment-là, Georges Laurie. C'était, il faut surtout que ces négociations aboutissent et qu'on arrive enfin à de vraies élections. Et pour vous répondre en ce qui concerne ces 4 ans, c'était absolument passionnant parce que chaque fois qu'il y avait une avancée dans les négociations, il y avait au petit matin des tueurs qui venaient dans les townships tués par dizaines des civils. Du coup, Mandela arrêtait les négociations en disant « Mais de Klerk, il faut quand même que vous assuriez la sécurité des Sud-Africains. » Et il fallait pour ça un appui international pour faire pression sur les deux hommes, les deux appareils de parti, pour qu'ils se remettent à discuter. Ça a été 4 années très violentes. le résultat était formidable, vraiment tout à fait exceptionnel dans l'histoire du monde d'avoir cette réconciliation. Mais ça n'a pas été simple. Il y a une quasi-guerre civile au KwaZulu-Natal entre Zulu ANC et Zulu Inkatha, c'est-à-dire traditionnaliste. 3000 morts, c'est quand même énorme dans une petite région. Donc le résultat est bon, mais il ne faudrait pas gommer tout ce qui s'est passé pendant cette transition. Et puis, j'imagine que lorsqu'une transition s'ouvre comme celle-ci, il y a des appétits variés. La France n'est pas seule au monde, et j'imagine que tout un tas d'autres pays ont des intentions, justement, de se rapprocher d'un régime qui va profondément changer avec l'arrivée de Mandela au pouvoir. Est-ce que vous avez vu, en tant que témoin, pourrait-on dire, Georges Lory, justement, ce débat, ce ballet diplomatique autour de ce nouveau pouvoir en train de se constituer? Et justement, beaucoup de pays ont cherché à se rattraper du temps où ils faisaient beaucoup de commerce avec l'apartheid en donnant beaucoup d'argent. Des grandes entreprises qui avaient été mouillées par le passé ont effectivement créé des bourses, mais alors vraiment, je pense du côté américain, par centaines, pour créer justement cette classe moyenne noire, ces cadres capables de gérer le pays par la suite. Donc il y a eu effectivement très habilement, du côté des Allemands, des Anglais, des Américains, des Français, cette volonté de participer à la nouvelle Afrique du Sud. Pour se blanchir d'une collaboration un peu trop étroite avec l'ancien régime, c'est oui, ça? Voilà. Victor Massel-Lépine. Oui, un petit mot encore, puisque vous avez été, finalement, il n'y a pas si longtemps, entre 2009 et 2013, vous étiez délégué général de l'Alliance française en Afrique australe, et puis vous retournez encore tous les ans en Afrique du Sud. Un mot sur la vision sud-africaine, peut-être. Est-ce que les Sud-Africains ont une idée de la France et du rôle que la France a joué? Bizarrement, on a une image quand même de pays néocolonial, et je pense que ce sont les événements du Rwanda, un certain nombre d'actions françaises qui font qu'au sein de la population noire, je précise noire, on n'est pas toujours bien perçu, mais en fait, on n'est pas antagoniste, il n'y a aucun sujet qui nous fâche, mais la France est un pays inconnu, et à l'Alliance française, on avait un peu l'impression d'être en terre de mission. Merci beaucoup, Georges Lory, de votre témoignage. Ce témoignage, vous l'avez encore jamais écrit véritablement pour le raconter, parce que c'est tout de même une histoire intéressante. Oui, ça mériterait en effet que je m'y mette. Mettez-vous-y, mettez-vous à cette écriture, on l'attend avec impatience. Merci beaucoup Georges Lory. Demain, on continuera et terminera cette série consacrée à l'histoire de l'Afrique du Sud avec un documentaire qui a été rendu possible par l'Institut français, en particulier à Paris, le pôle savoir et... le pôle idées et savoir de l'Institut français, et également l'Institut français en Afrique du Sud, le pôle recherche de l'Institut français à Johannesburg. Oui, c'est encore une histoire franco-sud-africaine, on peut dire, puisque les archives du procès de Rivonia, 256 heures d'archives enregistrées en 63 et 64, ont été numérisées et restaurées en France, à l'INA, avant d'être remises à l'Afrique du Sud. Et c'est l'histoire de ces archives que nous racontons dans le documentaire de demain. Il y a manifestement plusieurs microphones, que d'ailleurs on teste le matin d'une drôle de façon, assez brutale, puisqu'on prend un stylo et on frotte la grille du microphone avec le stylo, plutôt que de faire un 1, 2, 3, 1, 2, 3, eh bien, on gratte la grille du microphone. I'm prepared to remove the one A, my lord. Which A is that? Les étudiants ont dit toutes les icônes doivent être réinterrogées. Ça, c'est bien, c'est très positif. Et je crois que les archives sont importantes pour cela. Mais certains des termes utilisés sont, à mon avis, problématiques. Et l'étiquette qu'on a pu coller à Nelson Mandela est celle de vendu. Ce que les étudiants veulent dire par là, c'est que Mandela, qui était une figure centrale des négociations, a bradé certains des idéaux des mouvements anti-apartheid. Ce qu'ils veulent dire, c'est que quand vous regardez les conditions de vie de la majorité des Noirs aujourd'hui, ce n'est pas mieux, et certains diront même pire, qu'il y a 25 ans, au point de vue socio-économique. Mais je pense que ce terme de vendu est problématique. Je pense que c'est faux et que ça ne dit pas grand-chose. Et ce que ces archives vont faire, c'est rendre tout cela plus complexe. Par exemple, la décision de basculer dans la lutte armée était une décision très difficile, car Mandela et les autres savaient bien que cela impliquait la possibilité d'être accusé de trahison ou d'être tué pendant une action. On peut donc utiliser ces archives pour alimenter ce débat qui doit avoir lieu. The accused deliberately and maliciously plotted and engineered the commission of acts of violence and destruction throughout the country directed against the officers. Aujourd'hui, on a des outils merveilleux pour évidemment améliorer la qualité sonore. Ces outils n'existaient pas ou étaient moins bons il y a une dizaine d'années, et on peut supposer qu'ils seront bien meilleurs encore dans quelques décennies, pourquoi pas. Auquel cas, on sera bien content de revenir à la source pour proposer, pourquoi pas, une seconde restauration. Ne serait-ce que pour cette raison-là, il faudrait conserver la source. Les fichiers bruts que j'ai livrés, je ne prétends même pas à ce qu'ils soient la seule source. Mais quand même, ils le deviendront le jour où ces dictabels se seront désagrégés, car c'est peut-être le sort qui leur est promis, dégage une petite odeur vinaigrée. À ce moment-là, les fichiers audio que j'ai remis à l'INA pourront être considérés comme le seul original disponible, et donc ils seront à considérer comme tels. Voilà donc pour ce documentaire, un extrait de ce documentaire que vous pourrez écouter demain dans la Fabrique de l'Histoire, en conclusion de notre série sur l'histoire de l'Afrique du Sud, les archives du procès de Rivonia, un passé à écouter, une histoire à écrire. Et vous avez entendu les témoignages brièvement de Henri Chamou qui a restauré ces archives donc du procès de Rivonia, mais également de Nour Niftia Roudine qui sont deux des participants à ce documentaire signé Victor Massé de l'Épinay et Anne Fleury que vous écouterez demain dans la Fabrique de l'Histoire. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marcet. La prise de son était assurée à Pretoria par Hélène Langlois et à Paris par Lucas Vaillant et la réalisation par Anne Fleury. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur le site internet de France Culture. Vous pouvez également la télécharger sur ce site et discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique de l'Histoire, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.